parce que je fais pas du rap français, je fais du rap valentonais. Valentin Carna, Valentin Carna, Valentin Carna, Valentin Carna, Valentin Carna. Ma femme n'a pas de soudelle, Carna t'es fou d'elle. Blédard partage, réveille ta carrière à la faudelle. On garde pas la pêche, même avec un potager. Avant t'es tout petit, maintenant on voit nos potagers. Moi quand elle long et grand, comme les jambes de carambeux. J'en veux baiser 48, j'en suis encore à 42. C'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu Google. Les rimes sont recherchées, appelle-moi Google. Qui déboule, qui dégagne, t'as pas de coup, ni dégagne, t'as pas de fun. Il t'a un gros chum, j'ai le ciel, t'as pas de seul d'orgueil. Trop d'œil, la main sous mes cils, il me porte l'œil. Ils parlent tous de test, pense tout gâcher. Encouragé par les vrais, promis, je vais rien lâcher. Ma femme à la poubelle, narc à tes aisselles. Bis, bis, rap t'essaye, bim, à la prochaine. 48 cités résolvent en tout, toutes les aubaines. Le son souffre et c'est ton album qui saigne. Astic, mastic, fanatique, tactique, s'implique, s'applique, implique, réplique, s'agit, s'astif et stick. Big, pack dans les bars, c'est du biggie, biggie, tournasse. Les rappeurs fight dans un bris de glace. C'est de pire en pire, de tir en tir, de tise en tise, de crise en crise. Je brise leur pise, leur pise, leur pèse, leur peine et ma haine. J'ai tout niqué, donc que l'instru se taise. Je laisse rien au hasard, game, game de bazar. Base de bâtard, donc bave dans la gueule à Saint-Lazare. Ah, ah, ah, ah, ah. Ah, ah, ah, ah. Carna Valentin, Carna Valentin. Baba dans la gueule, baba dans la gueule. NNNA tout cesse, NNNA tout cesse, NNNA tout cesse. NNNA tout cesse, NNNA tout cesse. Papa, papa, mais ta stylé. 48 city, qui sont les best? L'hymne national. Allah, El Watan, El Melik, frère. وحباه كنت منتدى وحباه.